écouté une seule fois British Connection. Et il y a toutes les chances que vous ne vouliez plus rien écouter d'autre. La série live, deux morceaux en concert dans British Connection. Le bal des enragés, concert 2013, ils reprennent Vive le feu des Berurinois et Tostaki de Noir Désir. Tu la connais? Tu la connais? Ah donc tu la connais? J'en ai bien l'impression, oui. C'était le bal des enragés, c'était blanc. Fais du bruit. Il arrive le barrage, il est dans l'endos. Une hypothèse, le lave, le feu, le métro. Une armée de gamins qui brûle les marcassins. 3000 identiens carbonisent le bouquin. Le temps qu'il allume, il brûle tout quartier. Le président fait les emblèmes de l'Elysée. Attire tout ce qu'il y a contre leur directeur. Le tribut de boxeur attend les arrêteurs. La la la la la la la. Une armée chapeau, une dynamite sur le saut. Des races à échouer, c'est chaud dans le ghetto. Des feux dans la cité, oui, mon cher Olivo. Pas ton bateau, des craques, mon c'est la baraque. Des soldats cannibales, redis en général. Un vieux bon chinois, ce monde, le miroir. Le froid, tu la fillette, qui n'a fait dans les mètres. La la la la la la la. Les gens se battent de nos coquilles volantes. Je dirai en plein le bord de l'eau de sable. Les oiseaux sont un peu tour de la confrontière. Un de pire au bas, c'est pas au paradis. Les pompiers au bas, c'est le même aujourd'hui. Il y a le feu partout. La fête de des fous. Il y a le feu partout. C'est pas des égaux. La la la la la la la. Yeah.

Communication, you gotta listen, you gotta talk to me. Communication, trouble of the nation. You gotta listen, you gotta talk to me. Communication, communication, you gotta listen, you gotta talk to me. I just need one of my fingers to tell you how I feel. I still got nine left to show you what it means. Trouble of the nation. You gotta listen, you gotta talk to me. Communication, communication. In your face. Et oui les amis, ça y est, British Connection, votre émission rock, c'est terminé pour cette saison. Je tenais à remercier la direction de la radio pour sa confiance et puis vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre fidélité. Gardons le contact pendant les vacances via la page Facebook British Connection et puis écoutez les podcasts, hein, il y a des dizaines d'heures d'écoute. Voilà, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances, portez-vous bien, faites attention à vous. On se retrouve mi-septembre pour une nouvelle saison de British Connection, ici même sur votre radio favorite. Et ne l'oubliez pas, même pendant les vacances, British Connection, c'est votre émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Allez, salut.